Le département de la politique du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée a publié le 25 mai son entretien qui dit notamment « Les États-Unis, qui ont imposé de siècle en siècle au peuple coréen les malheurs et souffrances immensurables, doivent voir correctement la position stratégique de notre République entrer dans les premiers rangs des puissances nucléaires et le courant de l'époque pour retirer leur politique d'hostilité anachronique à notre égard. » Notre demande de principe constitue la voie foudroyante de la justice annonçant la ruine définitive des États-Unis banditistes qui ne cessent de commettre des crimes sanglants de génération en génération et l'avertissement ultime de la Corée Sungun. Les forces hostiles qui ont perpétré des crimes de toutes sortes en empiétant la paix de l'humanité sont surprises par des inquiétudes et peurs terribles et se démènent pour survivre. Pourtant, les États-Unis est toujours anachronique et en proie à la manière de penser comme au temps de la guerre froide, c'est-à-dire le fort a toujours raison du faible, ne sentent même pas leur fin misérable imminente. Les milieux politiques américains, la Maison-Blanche en premier lieu, font entendre qu'en aucun cas, ils ne peuvent changer le principe de la dénucléarisation du Nord tout d'abord et l'arrêt de la pression sur le Nord après. Voire, il n'hésite pas à dire de façon provocatrice que le changement de la politique du gouvernement américain envers la Corée dépend entièrement de notre changement. Les bellicistes de Pentagone envisagent d'effectuer pour la première fois dans l'histoire des manœuvres d'impact d'envergure déjà prévues les exercices américano-nippo-sud-coréens face à la menace de nos engins balistiques. D'autre part, de peur de subir les châtiments sévères en refusant notre demande de principe, les États-Unis poussent à la ligne de démarcation militaire leurs troupiers stationnés en Corée du Sud sous le masque des forces onusiennes pour ne solliciter par le haut-parleur la reprise de la ligne téléphonique militaire coréo-américaine coupée et celle du contact tout en montrant leur attitude double face. Nous tenons à préciser une fois encore le caractère anachronique, absurde et suicidaire de la politique d'hostilité des États-Unis à l'égard de notre République. Primo. Leur politique est un produit de la chimère anachronique qui réclame seulement leurs besoins arbitraires sans égard au changement de la réalité et au courant de l'époque. Début des années 1950, les États-Unis avaient envoyé la Corée armée de fusées en brandissant leurs bombes atomiques, mais aujourd'hui, ils sont devant le pays irrésistible possédant la bombe à hydrogène, connue comme arme omnipotente de notre planète. Plus ils négligent le courant mondial à partir du fanatisme pour l'agression et la guerre et recourent aux démarches déraisonnables d'isolement et de suppression de la Corée, plus ils essuieront déshonneur et châtiment amer. Secondo, leur politique est un produit de l'ignorance car elle se base sur la loi de la jungle sans aucune connaissance élémentaire de l'adversaire. Ne serait-ce que maintenant, les États-Unis sont tenus de voir correctement qui est leur adversaire et quoique désagréable, ils doivent reconnaître les faits et rétablir leur politique envers la Corée pour éviter à temps le cauchemar et les malheurs. Tertio. Leur politique est un produit suicidaire qui accélère la fin ultime des plus terribles. L'histoire de confrontation coréo-américaine a gravé dans son histoire la loi ineffaçable selon laquelle la victoire appartient à la Corée Sungun, la défaite aux États-Unis banditistes. Vu le passé et le présent, les États-Unis doivent prévoir l'avenir des rapports coréo-américains, résultat de leur politique d'hostilité envers la Corée. Ils sont appelés à retirer le plus tôt possible leur politique anachronique hostile à la Corée, bien que tard, s'ils veulent éviter les malheurs catastrophiques.